en action, page 19. Une nouvelle jeunesse pour l'église Saint-Jean-Baptiste. Photo horizontale de l'extérieur de l'église Saint-Jean-Baptiste, église datant du XIe siècle. Photo de peintures intérieures de l'église. Des actions sont régulièrement engagées afin de préserver notre patrimoine. Les églises font partie du visage de la ville. L'une des plus emblématiques, l'église Saint-Jean-Baptiste, va bénéficier d'importants travaux de rénovation. Remarquable édifice du XIe siècle, l'église priorale Saint-Jean-Baptiste est l'un des premiers témoins de l'art roman en Mayenne. Elle conserve un bel ensemble de peintures murales datées de la fin du XIe siècle au début du XIIIe siècle. Cette église mère de la ville avait bénéficié de travaux de restauration en 1940. Ils ont en partie permis de lui rendre son aspect primitif. Elle a ainsi pu être reclassée au titre des monuments historiques. Aujourd'hui, l'état général de l'église nécessite de nouveaux travaux de rénovation au niveau du bâtiment même et des peintures murales. Véritable fleuron de notre patrimoine local, l'édifice va pouvoir retrouver une partie de son lustre d'antan. Face à l'ampleur des travaux à mener, l'ensemble du processus de rénovation fait partie d'un programme pluriannuel d'une durée de 5 ans, débuté en janvier 2015. Il est composé de 4 tranches de travaux. La première tranche concernera la zone du transept sud, ainsi que la partie ouest et le côté sud du clocher. La seconde tranche s'intéressera à la partie est, chœur, façade est du clocher et transept nord. La troisième concernera le transept nord et la façade nord du clocher. Enfin, la quatrième et dernière tranche sera consacrée à la restauration des peintures murales. Le montant total des travaux est estimé à environ 2 millions d'euros. Ces travaux en vue de la restauration d'un bâtiment classé monument historique bénéficient de subventions de l'État, de la région et du département. La ville investira en moyenne environ 100 000 euros chaque année. Pensez-y. Des visites commentées de l'église Saint-Jean-Baptiste sont proposées toute l'année par l'Office du tourisme du pays de Château-Gontier. Plus de renseignements concernant les dates et horaires de visite auprès de l'Office du tourisme au 02 43 70 42 74 ou sur le site patrimoine.châteaugontier.fr.